Vous êtes sur Radio Guémozo 107 FM. Vous pouvez également nous écouter sur www.radioguemozo.eu. Et aujourd'hui, eh bien, avec moi, deux invités, Paul et Michel, qui nous parlent aujourd'hui eh bien, du festival Là-haut sur la colline, qu'on ne présente plus. Mais bon, on est tellement ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être parmi nous pour participer. Bonjour à tous. Salut. Comment ça va? Super bien. On est content d'être avec vous. Eh ben super. Alors, vous représentez eh bien l'association Festi Eurolive hein, qui propose très prochainement eh bien ce fameux festival là-haut sur la colline. Donc, un festival culturel et citoyen, hein, je cite, hein, je reprends les termes du site, c'est tellement bien écrit. Les 27, 28, 29 et 30 juin 2019, eh bien entendu, sur la colline de Sion en Lorraine. Alors, ce festival, il a lieu tous les deux ans. Oui, il faudrait même plus que deux ans pour préparer un festival, mais bon, il faut quand même pas trop tarder parce qu'on a envie de se revoir et faire la fête ensemble. Ben oui, j'imagine. Alors, il y a un thème différent à chaque festival. Oui. Alors, quel est celui de cette année? Aïe, vous êtes prêts? On ose? Allez. Allez, on ose. On est fou parce que, voilà, un thème qui est vraiment pas populaire, qui prend vraiment pas, vraiment, qui donne pas forcément une grande envie, mais c'est comment rendre l'Europe plus fraternelle et plus citoyenne. Ben, si, ça donne envie quand même. Ouais. Paul, qu'est-ce qu'il en pense? Ben, c'est très très bien parce qu'en plus, étant jeune, on se sent concerné parce que c'est notre futur, c'est notre vie prochaine, quoi. Tout à fait. C'est bien d'avoir des jeunes qui s'intéressent un petit peu à la citoyenneté, à comment ça se passe, tout ça. Ah ben c'est le but. Notre but associatif, vous l'avez dit, c'est d'être humaniste, c'est d'essayer de faire prendre conscience que c'est, enfin, les jeunes, l'avenir, c'est à eux de le prendre en main. Tout à fait. Et puis, à tout le monde, parce que on est toujours en train d'accuser les autres. Ben non, c'est à cause d'eux que... C'est vrai que, ben, il y a des contraintes. Que les grandes entreprises mondiales et les politiques semblent phagocyter notre vie. Mais à nous de la prendre en main. Enfin, je crois qu'on est, et ça c'est une chance encore en démocratie, on n'a pas que des moyens d'expression, il faut bâtir, surtout construire. Je crois que c'est ça, c'est pas seulement revendiquer, c'est pas seulement faire des grèves, mais je crois aussi participer, être acteur de ce monde. Et il y a des marges de manœuvre, on en est convaincu. Ah ben voilà, quel beau message, merci beaucoup. Alors cette association Festi Eurolive, depuis quand existe-t-elle? 2004, on a commencé à penser, et puis c'est 2005. Premier festival, c'était à Axonrue, dans les Hauts-de-Vosges. Ah oui, d'accord. Et puis c'était en plein mois d'août. Et on a eu froid. Ah bon? Il n'y a plus. Bon. Bon, alors on s'est dit peut-être que il faudrait peut-être aller voir ailleurs si jamais il y a du soleil. Et à Sion, il y a du soleil? Oui, super. C'est toujours le grand soleil. Non, non, et puis on prend aussi quand même. On a quand même continué de garder le principe de la montagne. Hein, c'est une petite colline. Oui. D'où le titre du festival. Hein, enfin, c'est là-haut. Sur la colline. Voilà, c'est très très beau. Alors, de quelle initiative est née la fondation de cette association et l'envie de proposer un festival vraiment? Il est axé pour les jeunes, mais pas que? Alors, la priorité, c'est les jeunes quand même, oui. Mais pas que, on veut surtout l'intergénérationnel. Oui. Et la mixité sociale. Moi, je crois que c'est parti de ça, c'est-à-dire que c'est parti du fait que dans notre société, les lieux où on peut se rencontrer, se parler, faire, je dirais, une vie, avoir une vie un peu en commun, partager des joies en commun, puis aussi des peines, parce que c'est ça la vie, eh bien, ils ne sont plus très nombreux. Et donc, on souhaite que l'association milite, favorise ces rencontres et donne un peu de bleu pour l'avenir. Ah bah c'est beau ça. Alors Michel, vous êtes président de cette association. Toi, Paul, tu es bénévole depuis combien de temps ? Depuis 2013. Oui. J'ai commencé, j'étais tout petit. Tout petit ? Bon, à 13 ans, ouais, ça va. Ah oui, quand même, d'accord. Ah, il n'avait pas de lunettes à l'époque. Si, alors si. Si, t'avais déjà les lunettes ? Oui, oui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de participer, de t'investir au sein de cette association ? Bah, c'est... En fait, dès 2013, j'ai bien aimé... le fait que ça soit aussi convivial que ça, en fait. Oui. L'ambiance et la bienveillance des bénévoles pardon, entre eux. Oui. Et je suis revenu en 2015, en 2017. Et puis en 2017, j'ai voulu m'investir encore plus. D'accord. Et puis bah, cette année, bah voilà. Et bah voilà, toi maintenant, tu te charges eh bien, de la billetterie des réseaux sociaux, mais pas que, hein. Michel nous expliquait tout à l'heure. Il a participé grandement à la programmation. Oui. Donc là, c'est un groupe. En fait, l'esprit est vraiment collectif. Chacun apporte sa pierre. Moi, je crois que notre rôle à chacun d'entre nous, c'est comme il a bien fort bien formulé, c'est la bienveillance. Donc vraiment, vouloir le bien de l'autre, hein, c'est ça l'étymologie de bienveillance. Oui. Vouloir le bien de l'autre, bah, c'est ça notre travail, de sortir un peu de cet individualisme égocentrique. L'individualisme, tant mieux, je crois que c'est une bonne vertu. Mais ça a aussi des effets pervers, c'est-à-dire que si on se ferme sur soi-même, bah c'est mort. Oui. Et on voit la fragmentation de la société qui nous peine quand même. Et on le voit bien avec la question européenne, mais pas que. Mais on le voit, ça commence avec nos voisins, ça commence avec nos familles, ça commence... On le voit bien que c'est compliqué de vivre avec les autres. Après, on ne va pas faire l'analyse, je crois que ce qui compte, c'est savoir avoir un vrai projet de vie, un esprit, et puis... Penser que c'est quand même, on est destiné au bonheur. Bah, donc, oui. Il faut le fêter, cela. Ah bah, ça, c'est beau, ça. Moi, je garde. Alors, justement, ce festival, il est là pour rassembler, pour que voilà, des gens se rencontrent, des gens passent un bon moment. Il y a une programmation vraiment de folie, hein, mais j'ai envie de dire comme à chaque fois, parce qu'il y a toujours des grands noms, des grandes têtes d'affiche qui viennent quand même participer à ce festival. Comment ça se passe pour contacter les artistes, si on a le droit de le dire ? Oh bah je vais laisser Paul. Il a essayé. Il a été au baptême. Il a fait le baptême du feu là. Ouais. Ouais. Tout d'abord, c'est une question de recherche et de patience. Beaucoup de patience parce que il faut aussi faire par exemple un choix personnel et aussi penser aux autres personnes. Par exemple, moi, je sais que j'écoute plein de styles de musique différents. Ouais. Et comment dire ? Tu avais envie que ça parle à plein de monde. Oui, en voilà. Fait. Voilà, j'ai envie que tout le monde se sente concerné et puis que ça... attiré par toute cette programmation diverse, quoi. D'accord. Mmh. C'est comme je disais, c'est de la recherche. Donc ça passe par les réseaux sociaux des artistes, comme par les sites. Les plus enfouis sur Internet où on recherche le contact du manager ou même des petites infos qui pourraient éventuellement appuyer notre requête. Oui. Et puis ensuite, on monte une lettre et puis voilà. Ça, c'est un sacré boulot, je sais de quoi tu parles. Oui, c'est un boulot, puis c'est des coups de fil, puis aussi des rencontres, parce que je pense qu'il ne faut pas hésiter à se déplacer dans les maisons de prod. Oui. Vous savez, bien sûr, tout se passe, c'est une industrie, hein, puis c'est une industrie qui est dure, je trouve, dans les relations humaines. Alors, évidemment, c'est parfois, on est un peu déçus, parce que vous voyez bien, avec notre côté naïf, et idéaliste, qui est le nôtre, mais on tient à le garder. Hein. Heureusement. On tient à le garder, à le cultiver, à le développer. Face à nous, on n'a pas des killers, mais c'est clair que nous, ils jouent aussi beaucoup. Hein, c'est beaucoup d'argent. C'est toute une industrie, parce que vous avez alors là toute une hiérarchie. Hein. Il y a les tourneurs, bon, je ne vais pas faire toute la liste parce qu'ils sont très nombreux autour des artistes. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que les artistes, ils ont quand même, malheureusement plus grande maîtrise, ni de leur calendrier. À partir du moment où, bon, bien sûr, ils délèguent le soin de organiser tout cela, alors ils ont quand même leur mot à dire. Quand je dis ils n'ont plus rien à dire, parce que nous, notre choix d'artiste, il est aussi, il y a un choix qui est fait en fonction du thème, puis aussi en fonction de leur qualité de texte et de ce qu'ils veulent transmettre comme message. Quand à l'origine de l'association, c'était aussi ça, c'est-à-dire que il y avait l'esprit de la rencontre, la fête, etc., tout ce que j'ai exprimé, mais il y avait aussi la volonté de donner aussi place à des artistes qui ont des messages à nous transmettre, et de nous donner envie, de nous transmettre. Et je crois que la musique, clairement, on ne peut pas mieux trouver dans notre société autre chose que la musique pour émettre, non pas seulement une émotion, parce que si c'était qu'une émotion, ça ne suffirait pas. Moi, je crois que ce n'est pas que de l'éphémère, ce n'est pas que du passager. Et justement, quelque chose qui s'ancre, qui structure, qui nous structure et qui nous donne vraiment envie de nous tenir debout, qui nous élève, qui donne vraiment autorité au sens étymologique, c'est-à-dire au sens qui nous élève, qui élève notre esprit, notre corps, et qui nous donne envie de dire « demain sera plus beau encore qu'aujourd'hui ». Mais c'est magnifique, dis donc. On est totalement en phase, moi je prends. Il y a une très très belle programmation, je le redis, mais il n'y aura pas que de la musique. On parle aussi de conférences, de forums, d'ateliers. Oui. Il y a plein de choses. On en parle tout de suite après notre première pause musicale avec Tikenja Fakoly. C'est un groupe qui vient d'où? Comment ça se passe tout ça? Côte d'Ivoire, c'est un artiste international, mais il tourne surtout sur l'Europe en grande partie, mais pas que. Et alors, pourquoi lui? Parce qu'on lui a demandé de dire le regard de l'Africain sur l'Europe. D'accord. On écoute son titre « Plus rien ne m'étonne » et on se retrouve juste après. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Consulter. d'or, que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire Mandingue. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Nous sommes toujours ensemble aujourd'hui dans la bulle avec nos deux invités Paul et Michel de l'association Festi Eurolive pour parler eh bien, du fameux festival là-haut sur la colline qui se passera eh bien, très prochainement hein, parce que ça passe vite quand même le 27, 28, 29 et 30 juin. Eh bien entendu à Sion, on n'a pas besoin de le répéter mais on le dit quand même. Alors qu'est-ce qui va se passer? On arrive dans le vif du sujet au sein de ce festival parce qu'il y a énormément de choses. Ah oui, on va avoir du mal de tout dire, hein. Mais on va essayer de résumer. Bon, il va se passer toujours les trois axes qui sont les nôtres, c'est-à-dire il y a des conférences, débats, mais bon, on ne se prend pas la tête, hein. Mm-hmm. Tout le monde peut s'exprimer, il y en a qui s'expriment par la danse, il y a différents modes d'expression. Il y aura un forum jeune aussi, je le signale, le samedi en fin de matinée, après que tout le monde ait couru, parce qu'il y a une course d'orientation le samedi matin et le dimanche matin. Ça, c'est génial. Et alors, la course d'orientation, elle est superbe, parce que c'est aussi aller à la découverte de l'Europe. Oui. Et trouver donc son chemin au travers des méandres de l'Europe. Ah, ben voilà, en plein dans le thème, bien entendu. Alors, le samedi, quand notre compagnie de jeunes et moins jeunes auront bien couru, on se retrouve dans ce forum jeune où on laisse vraiment. Alors là, ils sont en stabulation libre, oui. C'est-à-dire que c'est eux qui vont évoquer. L'objectif du festival, c'est de produire 95 motions ou thèses pour l'Europe. Waouh. Et qu'on souhaite ensuite porter, parce que l'association, c'est. Enfin, le festival n'est pas une fin en soi, hein. Oui. Je crois que vous l'avez compris. Oui. C'est un temps de rencontre où on se retrouve, mais on travaille tout le pendant les deux ans là. On bosse, on fait des journées, on fait quelques manifestations. On a peut-être une exception là, une grosse surprise qu'on va avoir peut-être. Allez, on peut l'annoncer peut-être à l'automne avec une soirée. Là, ça sera plus une soirée. Nicolas Hulot et peut-être un artiste comme Abdel Maïk. Non. Voilà, donc voilà, mais c'est un peu notre marque de fabrique, c'est-à-dire on veut toujours un peu la rencontre entre des personnalités qui sont engagées dans la société, qui donnent envie, soit d'ailleurs de débattre, de donner à leur suite un message et de poursuivre ce message et de le mettre en œuvre, et puis des artistes aussi qui feront aussi avec leur manière. Alors, pour revenir au festival, parce qu'on s'éloigne du festival, des conférences, ça, on en a parlé, de différentes formes, vous l'avez entendu. Oui. Ensuite, bah, des ateliers qui commencent dès le jeudi. Alors, là, le jeudi est destiné aux scolaires. D'accord, OK. Alors, j'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'écoles. Je crois qu'on en a déjà un bon paquet. Je crois même que c'est déjà plein, mais... Donc, ils vont découvrir tour à tour, au travers de différents ateliers, au travers du conte, au travers d'un bal, ils vont danser, et des spectacles, ils vont apprendre à être sensibilisés à la question européenne. Ah bah c'est super, ça commence là. Hein, voilà, voilà. Alors, donc des thèmes aux conférences par jour. On va parler plutôt donc du migrant, des migrants, du logement social, enfin de la mixité sociale le vendredi, l'agroécologie avec un pape de l'agroécologie qui est Marc Dufumier, donc qui sera présent sur le festival le samedi après-midi. D'accord. Et puis le dimanche, ça sera autour de l'identité et spiritualité en Europe. Donc avec Medine qui, j'espère, comme il l'a promis, prendra la parole avec d'autres représentants de sensibilités différentes, des soufis, des bouddhistes, etc., des francs-maçons, enfin, il y aura tout le zoo. Oui, ouverture totale. Voilà. Donc après, ben, il y a des ateliers du jeudi au dimanche soir, des ateliers qui sont ouverts de différents types, mais autour de la thématique, mais pas que aussi, du genre, il faut transformer notre société. Donc il y a des ateliers aussi pédagogiques autour de comment transforme-t-on un peu notre mode de vie face aux contraintes climatiques, par exemple. Hein. D'accord. Et puis, encore une fois, on fait la fête. Alors il y a bien sûr de la musique, il y a des expressions théâtrales, il y a apprendre à danser, enfin, etc. Il y a une diversité des modalités pour faire la fête. Mais de la musique, on a une scène numéro 2. Eh oui, faut pour la première fois. Et bien sûr, la scène le soir. Le soir, à partir de 20h. Donc la scène 2, et tout ce que j'ai évoqué, conférences, ateliers, tout ça, c'est gratuit. Ouais. La participation aussi à la course d'orientation, tout ça est gratuit. Donc reste à payer les crêpes et la bière. Là, c'est vraiment une démarche pour donner accès à toutes les personnes, oui. De pouvoir. Sur le plan social, oui. On veut donner que et vraiment, on sait qu'il y a des pauvres qui viennent. On est un peu une plateforme fédérative de différentes associations de réinsertion. D'accord. Par la culture, oui. Par exemple. La MJC savourée d'Épinal. Mais oui, hein. Tout à fait. Donc, et il y a un programme d'intégration par la culture. Alors, ils viennent sur le festival. Alors, les plus démunis aussi, enfin, il y en a d'autres groupes de réinsertion. Ils interviennent aussi comme bénévoles. Oui. Hein, ils ne sont pas que consommateurs. L'idée, c'est qu'on soit, quand on vient, qui que ce soit d'ailleurs, qu'on soit spectateur ou bénévole, on est acteur. On veut rendre acteurs les personnes qui viennent. On veut que chacun s'implique. Oui. Voilà. C'est pour faire la fête. Donc tout ça, c'est gratuit. Il n'y a que les concerts du soir parce que voilà, l'industrie qu'on a évoquée là tout à l'heure, elle a un coût. Donc on est obligé. On essaie de faire le tarif le plus bas possible. Alors on aura toujours un grand chapiteau. Hein, donc pour créer cette ambiance de chaleur et de fraternité, ça aide de se trouver bien au chaud sous un chapiteau. Donc on n'est pas totalement à ciel ouvert. Voilà. Mais bon, pour le reste, la scène 2 sera quand même à ciel ouvert. Et alors comme il fera beau, c'est pas gênant. Tout à fait, il fera très beau. Alors justement, je me tourne vers Paul pour parler de la billetterie, entre autres. Où est-ce qu'on peut se procurer ces billets pour participer au festival ? Alors, essentiellement sur Internet, directement sur notre site Internet. D'accord. Vous aurez un accès à notre billetterie. Oui. Et ensuite, dans les points de vente physiques, il y a les offices de tourisme et Cultura. Voilà, impeccable. Donc, n'hésitez pas, il y aura quand même une billetterie sur place, mais il est quand même très préférable de réserver sa place pour être sûr d'avoir la chance de pouvoir participer au concert du soir, parce que Michel nous l'a dit, tout ce que sera proposé sur place la journée sera gratuit, et pour notre plus grand bonheur. Alors, est-ce qu'on parle un peu musique ? Ah oui, toujours. Hein. Ah oui, c'est vraiment le cœur du festival. Hein. Alors, qui viendra pendant ce festival ? Dites-nous tout. Allez, vas-y, Paul, c'est à toi. Eh bien, on commence avec du gros. Je pourrais continuer avec Corps Malade. Corps Malade, il sera là. Ouais. Medine. Ouais. Kerry James, Tiken Jaffa Coli. Une petite surprise, un DJ qui s'appelle Kous. Ouais. Mauvaise Graine. Et c'est Lugé Léon, groupe locaux. Eh ben oui, que l'on salue. Et puis pour le vendredi, soirée festive. Ah oui, ça va être. Bon, je pense que vous allez être au courant, vous allez avoir vraiment le feu sur la colline. Ça va être super festif. C'est des groupes qui vont succéder, qui viennent de différents coins de la France et de l'Europe. Et du coup, on terminera la soirée avec Mes souliers sont rouges. Oui. Waouh, ça, ça va donner. Hein. Alors, par quoi on commence pour notre prochaine bulle de son? Est-ce qu'on met Cousse ou Mes souliers sont rouges? Il faut se décider. On reste calme. Mes souliers sont rouges. Allez, mes souliers sont rouges et on se retrouve juste c'est après. C'est calme. Si j'avais les beaux souliers que ma mignonne, si j'avais les beaux souliers que ma mignonne m'a donné à vous. Si j'avais les beaux souliers que ma mignonne, si j'avais les beaux souliers que ma mignonne m'a donné. Les souliers du vieux poirier, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes amours. Mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes amours. Si j'avais les beaux chaussons que ma mignonne, si j'avais les beaux chaussons que ma mignonne m'a donné. Si j'avais les beaux chaussons que ma mignonne, si j'avais les beaux chaussons que ma mignonne m'a donné. Les chaussons du vieux gagnon, puis les souliers du vieux poirier, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes amours. Mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes amours. Oh, si j'avais les belles jarretières que ma mignonne, si j'avais les belles jarretières que ma mignonne m'a donné. Si j'avais les belles jarretières que ma mignonne, si j'avais les belles jarretières que ma mignonne m'a donné. Les jarretières du vieux giguère, les chaussons du vieux gagnon, puis les souliers du vieux poirier, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes amours. Mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes amours. Si j'avais la belle culotte que ma mignonne, si j'avais la belle culotte que ma mignonne m'a donné. Si j'avais la belle culotte que ma mignonne, si j'avais la belle culotte que ma mignonne m'a donné. À la culotte du vieux Mayotte, les jardins du vieux Giguère, les chansons du vieux Gagnon, puis les souliers du vieux Poirier, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes amours. Mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes amours. Ah si j'avais la belle chemise que ma mignonne, si j'avais la belle chemise que ma mignonne m'a donné. Ma mignonne, si j'avais la belle chemise que ma mignonne m'a donné. La chemise du vieux la prise, la culotte du vieux Mayotte, les jardins du vieux Giguère, les chaussons du vieux Gagnon, puis les souliers du vieux Poirier, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes amours. Mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes amours. Ah si j'avais les belles bretelles que ma mignonne, si j'avais les belles bretelles que ma mignonne m'a donné. Si j'avais les belles bretelles que ma mignonne, si j'avais les belles bretelles que ma mignonne m'a donné. Les bretelles du vieux Bruxelles, la chemise du vieux la prise, la culotte du vieux Mayotte, les jardins du vieux Giguère, les chaussons du vieux Gagnon. Puis les souliers du vieux Paris, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes amours. Mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes amours. Ah si j'avais le beau collier que ma mignonne, si j'avais le beau collier que ma mignonne m'a donné. Si j'avais le beau collier que ma mignonne, si j'avais le beau collier que ma mignonne m'a donné. Le collier du vieux forêt, les bottes du vieux Bruxelles, la chemise du vieux la brise, les culottes du vieux Mayotte, les jarretières du vieux Giguère, les chaussons du vieux Gagnon, puis les souliers du vieux Paris, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes amours. Ah si j'avais le beau capot que ma mignonne, si j'avais le beau capot que ma mignonne m'a donné. Si j'avais le beau capot que ma mignonne, si j'avais le beau capot que ma mignonne m'a donné. Le capot du vestibule, le collègue du vieux forêt, les bretelles du vieux Bruxelles, la chemise du vieux la piste, les culottes du vieux Mayotte, les jarretières du vieux Giguère, les chaussons du vieux Gagnon, puis les souliers du vieux Poirier. Mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes souliers sont rouges. Les souliers rouges. Mes souliers sont rouges. Ma mignonne, mes souliers sont rouges. Et voilà pour Mes souliers sont rouges que vous retrouverez eh bien sur le festival là-haut sur la colline. Ils seront présents eh bien le vendredi 28 juin à 23h. Hein. Alors Tikenja Fakoli qu'on a entendu eh bien tout à l'heure, lui sera présent à 21h30 dès le jeudi 27 juin. Donc là les concerts ça commence direct dès le jeudi soir. Oui, oui, oui, il y a deux groupes, il y a un groupe du Burkina Faso qui à l'heure actuelle malheureusement et la chronique au niveau international, parce que c'est un pays qui est soumis à des tensions politiques. Oui. Bon, donc il y a des Burkinabés qui sont là. Ils sont donc en première partie. Et puis ensuite, nous avons donc notre cher ami Tikenja. Oui, qui est vraiment magnifique. Hein. On a entendu tout à l'heure, ça a l'air vraiment très bien, oui, ce qu'il propose. Artiste international, oui. Hein, vraiment grand monsieur. On entend ça. Alors, il y a aussi la place pour des petits groupes, des groupes locaux. Hein, ça, c'est important. On a eu envie de leur laisser un petit peu de place aussi. On a toujours envie. Il y aura donc Mauvaise Graine, c'est du Géléon. Et qui d'autre vient de nous contrer? Alors là, je n'ai pas toute la liste en tête parce qu'ils sont nombreux. Et, ah oui. Et donc, alors, on a des lauréats aussi de d'accord. concours qu'on essaye de privilégier. Alors, il y a des concours qui sont sur le 54, oui. à qui on a laissé de la place également. Bah oui. Hein. Oui, c'est sûr. Alors, il y a aussi des événements particuliers. Hein. Je vois sur le petit flyer, les jeunes en route vers le festival. C'était quoi ce but-là, des jeunes qui viennent avec leur éducateur, qui ont travaillé sur un projet depuis un moment et qui viennent produire quelque chose là au sein du festival? Ouais, tu peux en parler. Du coup, oui, c'est ça. C'est un groupe de jeunes ados qui, tout le long du festival, mettent la main à la pâte. Oui. Nous aide sur le site et à l'organisation du festival. Et cet été, normalement, nous allons à Strasbourg pour déposer toutes les thèses au Parlement européen. Ah oui. Alors, Paul oublie quand même quelque chose d'important, parce que ces jeunes, ils sont en route effectivement depuis un certain temps. C'est-à-dire que l'été dernier, c'est-à-dire donc en juillet, ce groupe de jeunes a créé déjà des contacts, et ces contacts font qu'il y a des relations. Alors, le but du festival est que, justement, il y ait aussi des étudiants ou des scolaires qui viennent d'Allemagne, qui viennent de Belgique. Et l'avenir du festival, l'évolution du festival tel qu'on le souhaite, on souhaiterait qu'il évolue de plus en plus vers, effectivement, un festival européen. D'accord. Avec de plus en plus de partage, de rencontres, d'autres jeunes de pays européens. D'accord. Il y a aussi une place pour le handicap au sein du festival. Je vois qu'il y a plusieurs actions centrées sur ce sujet. Oui, alors avant le concert, par exemple, il y a plusieurs associations qui viennent sur le festival avec des jeunes comme bénévoles, d'accord. mais qui sont handicapés. Il y en a qui aussi sont artistes, c'est-à-dire qu'il y aura, alors là c'est une super initiative, avant Grand Corps Malade, il y aura donc un ballet qui sera exécuté sur scène avec des fauteuils, enfin des jeunes en fauteuil, oui. donc de jeunes handicapés, qui auront à nous proposer une chorégraphie. Ça c'est fou. Ouais. Et ça va être super beau et émouvant en même temps. Donc on souhaite vraiment que, vous voyez, on donne la place à tous, et puis qu'on donne du bonheur au plus grand nombre. C'est dans cette pluralité-là que l'avenir de notre société peut se dire « oui, demain, ça sera plus beau ». Mais oui. Donc cette chorégraphie en fauteuil aura lieu le samedi 29 juin à 20h30 entre Mauvaise Graine et Grand Corps Malade. Et s'en suivra quand même quelque chose de très important pour notre jeune homme aujourd'hui. Alors, Pousse, parle-nous-en. C'est un jeune DJ français, oui. Qui est en train d'émerger et qui, je souhaite, monte au plus haut. Oui. Je l'ai découvert sur le label de Chami, c'est un copain DJ Snake. D'accord, ah oui, d'accord. Et donc depuis à peu près 3 ans maintenant, je le suis partout. Voilà, je ne le lâche plus et j'en suis fan, et je suis content de pouvoir vous l'amener sur la colline. Ah bah c'est sûr. Là on voit l'éclectisme vraiment de la programmation. Hein, c'est qu'on passe un petit peu de Mes Souliers Sont Rouges, qui est un petit peu de la musique traditionnelle, comment on pourra appeler ça, Festive. Festive, voilà. Ouais, ouais. À de la musique électro. Électro. On écoute Kous tout de suite et on se retrouve juste après. We'll be right back. yeah. You have found a home, a place I don't wanna leave, yeah. Oh, now I know where I belong, yeah. Right by your side. Oh, I've been waiting too long, yeah. You mean the world to me. De retour sur les ondes, Kous que vous retrouverez, que l'on vient d'écouter, eh bien, samedi 29 juin à 23h sur la scène numéro 1, je suppose. Oui, la grosse scène. La grosse scène, j'imagine que... Est-ce que c'était déjà arrivé sur le festival qu'on fasse venir un petit peu de la musique comme oui. ça, électro? Oui, on l'a fait, oui. D'accord. Au dernier festival, donc on a fait une... Mais... c'est terminé très tard, hein. Donc on a dû arrêter avant. D'accord. Parce qu'on avait c'était avec Kenny Arcana. Ah oui, oui, oui. Après Kenny Arcana, ouais, donc ouais. Ouais. Elle a terminé tard. Alors si jamais, eh bien, vous pensez que ça va peut-être finir trop tard, eh ben, pas d'inquiétude, parce qu'on peut dormir sur place. Hein. Il y a un camping gratuit et ça, franchement, c'est vraiment super. Il y a aussi des navettes, tu me disais oui, tout à l'heure. Oui, c'est ça. Des navettes seront mises en place. Oui. Pour venir du camping jusqu'au site du festival. Donc voilà. Oui, oui, bah, c'est pour ceux qui sont fatigués. Voilà. Et surtout, ne conduisez pas en ayant bu, c'est très important. Voilà, soyez prudents. Alors, Sion et sa colline a été choisie pour son panorama, on le disait en off tout à l'heure. Ouais. Ça, c'était important de le relever quand même. On a envie de produire quelque chose en pleine nature, de se reconnecter, parce que ben, le thème du festival, hein, on l'a vu, c'est sur la citoyenneté, etc. Mais c'est aussi un moment où on s'ancre un petit peu dans notre monde. Et le monde, c'est beau, c'est, ça fait, la nature en fait totalement partie. Ben oui, ouais, c'est magique là-haut. On a un panorama à 360 degrés, oui. C'est magnifique. Et là aussi, ben, ça porte un peu à ouvrir l'esprit, à ouvrir le cœur. Quand c'est beau, on est transposé. Ben oui, oui, oui, c'est vrai. Alors, on l'a vu, donc il y a plein de choses qui vont se passer là-haut sur la colline. N'hésitez pas à aller faire un tour eh bien, sur le site internet qui lui est dédié. Hein. Vous retrouverez toute la programmation, tous les détails. Oui, oui, c'est tout. Voilà, il y a les réseaux sociaux aussi, oui, Paul. Facebook, Instagram. Là-haut sur la colline, tout attaché pour Instagram. Et puis Facebook, voilà. Festival là-haut sur la colline. En moyenne, on attend combien de spectateurs? Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent. Beaucoup. Ouais. Non, mais j'espère qu'on va dépasser les jauges qu'on attend plus de par soir. On attend plus de 1500 personnes, je crois. À peu près. Voilà. Ah oui, quand un même. Peu plus. Ouais. Il y a énormément, j'imagine, de bénévoles qui s'investissent du coup. Ah oui. Oui. Alors ça, c'est le but associatif. Ouais. C'est-à-dire que justement, c'est dès le lundi. On se retrouve et c'est déjà un moment de communion. Parce que si on ne communique pas aux festivaliers qui viennent sur la colline, ça passe par les bénévoles. Et il faut qu'on ait des bénévoles qui soient dans le coup. Et c'est vrai qu'on passe déjà un bon moment ensemble. Bah oui, j'imagine. Ouais. Et puis là, ça leur met vraiment le pied à l'étrier, j'ai envie de dire. Parce que organiser, ou en tout cas participer à l'organisation d'un festival comme celui-là, ça fait un premier pas et vraiment... C'est la complexité de la colline de Sion. C'est-à-dire qu'on a toutes les infrastructures sont à monter. Oui. Hein, c'est pas du tout un lieu prévu pour ce genre de manifestation. Et du coup, ça demande du travail, d'installation. Pourquoi on a besoin de 200 à 250 bénévoles? Ah oui, oui, quand même. Et puis j'imagine que c'est eux qui participent. Oui. Ouais, oui. Il y a le montage du chapiteau à faire, une grosse affaire. Et puis ensuite, le cerclage. Oui, il y a 40 stands à installer, par exemple. Hein, c'est pas rien. Il y a la deuxième scène. C'est nous qui montons les scènes, on monte tout par nous-mêmes. Il y aura la tente de la méditation, il y aura etc., etc. Moi, je vais venir. Alors, il y a également un événement un petit peu rigolo, hein. J'ai envie de le dire. En plus, la fin de cette soirée du dimanche est quand même marquée par la venue et le concert de Medine et de Kerry James, qui sont vraiment des artistes, en tout cas, que j'apprécie beaucoup et qui sont vraiment tournés justement vers ce thème hein, de cette année. Ils ont beaucoup de choses à dire et de très belles choses. La musique est vraiment fédératrice et en tout cas, les mots qu'il nous dit, qu'ils nous disent restent bien gravés. Mais avant ça, à midi, il y a une fanfare bavaroise. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'en rêvais depuis des années. Ça, c'est moi, c'est ma faute. Hein. C'est mon côté vosgien des hauts. Bon, non, puis c'est bien. Voisin des teutons. Ouais, non, si on veut faire l'Europe, il faut le laisser. Enfin, on aime bien la caricature. En fait, nos voisins savent faire la fête. Mais oui. Et le symbole de cette fête, c'est la fête à la bière. Ouais. Et donc, on a fait appel à un groupe bavarois. Ben voilà. Alors, dimanche, à partir de midi, donc vous pouvez manger. Et on va faire en même temps la fête avec un super groupe de musique bavaroise. Pom pom pom pom pom. Ah bah voilà, super. Alors on écoute ça tout de suite. Hein. Moi j'ai envie de dire, hop, un petit orchestre bavarois pour fêter ça. Alors je ne sais pas si je pourrais prononcer le mot correctement, le nom du groupe en tout cas. Glückwünsche Freunde. Voilà, c'est tellement mieux dit. Tout est dit dans le titre. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Oh, Ça s'ambiance au sein des studios de Radio Vissou. Voilà, venez faire la fête au festival là-haut sur la colline pour sa fanfare bavaroise. Ça se passera le dimanche 30 juin dès midi. Oui. Est-ce qu'on doit réserver aussi pour participer à ce repas-là ou on fait ça sur place? Non, vous venez. Autant que possible. Et ben voilà, c'est super. On vous accueillera les bras ouverts. Mais c'est très chaleureux comme festival et ça donne vraiment envie. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet pour en savoir plus et bien sur tout ce qui sera proposé. Je vais y arriver, hein, je perds un peu mes mots à cette heure-ci. Est-ce qu'on a envie de dire quelque chose pour terminer cette émission qu'on n'aurait pas dit à nos auditeurs? Vraiment, le festival sera réussi si vous, chacun d'entre vous, vous venez. Voilà. On a besoin vraiment de votre contribution, mais réellement, c'est pas parce qu'on a besoin de votre argent, hein. On a besoin de votre joie, on a besoin de vous, de ce que vous êtes, de ce qui fait votre vie, avec les bons moments, les moins bons moments, mais aussi de donner, j'aime dire moi, ce gisement de bonté qui est en chacun d'entre nous. Voilà, donc venez apporter votre bonne joie et donner donc de l'espoir à tous nos jeunes. Ils ont besoin de ça. C'est communicatif, la joie. Oui. Et les jeunes attendent de ça aussi des adultes. Ils attendent que véritablement on donne des signes positifs et pas seulement la sinistrose, pas seulement ployer sur tout. Et effectivement, on est dans un monde avec des contraintes épouvantables. Mais quoi ? Eh ben c'est merveilleux. Il faut se relever et puis aller de l'avant et puis on y arrivera ensemble parce qu'on a besoin des uns des autres, parce qu'on a besoin de se soutenir au lieu de la compétition, de descendre l'autre et de critiquer l'autre. Ben non, revenons à un état d'esprit sain. Je vais embaucher Michel pour faire mes chroniques sur le bonheur. J'adore le message en tout cas. Alors, il y a des tarifs réduits pour venir au festival. Et ça, c'est important. Il s'adresse à qui ce tarif réduit du coup ? Les personnes en difficulté, par exemple, les étudiants. Oui. Alors, les étudiants ne sont pas en difficulté. Hein. Ah non, mais c'était pas l'exemple. Les spectateurs avec de faibles ressources, les étudiants, voilà, c'est ça. Et les moins de 12 ans payeront qu'un euro quand même. Un euro. L'euro symbolique. Ah, ça, c'est incroyable. Voilà. Oui. C'est important de... Mais on veut que les familles puissent venir. Oui. Hein, c'est aussi une de nos marques de fabrique, c'est-à-dire que c'est ouvert à tous et aux familles. Donc, qui n'est crainte, on a vraiment des stands pour les enfants. Des stands pédagogiques pendant tout le festival. Donc venez vraiment avec vos grands-mères et vos petits-petits-enfants. Les enfants. Bah voilà, c'est super. Bah merci beaucoup Paul et Michel d'être venus aujourd'hui nous parler de ce festival là-haut sur la colline qui aura donc le lieu le 27, 28, 29 et 30 juin en sachant que le jeudi 27 ce sera réservé en première partie aux scolaires mais les concerts commenceront dès cette soirée du 27. Merci beaucoup. Merci à tous. Un très bon festival surtout. Ouais, merci à Gamozo. Et puis plein de bisous aux bénévoles qui participent et qui nous proposent un festival magnifique et plein de bonnes choses. Et puis pour tous nos auditeurs, c'est bonheur, joie et rire à tous. Music.